we say we are non-aligned. That is, we do not join any power bloc or military bloc, but we have views. And we think we can serve the cause of peace better by not joining up a power bloc and by having friendly relations with both sides. Nous disons que nous sommes des non-alignés, c'est-à-dire que nous ne faisons partie d'aucun bloc militaire ni d'aucune puissance, ce que nous faisions auparavant. Et nous pensons que nous pouvons servir la cause de la paix bien mieux sans rejoindre une puissance et en ayant de bonnes relations avec les deux blocs. Bandung est la première manifestation publique de ce groupe, qu'on appelle le groupe afro-asiatique, qui a vu le jour à l'ONU en 1950. À Bandung, l'Afrique est présente. Elle y est représentée par 5 pays, l'Égypte, l'Éthiopie, le Soudan, le Libéria, mais aussi ce qu'on appelle la Gold Coast, le futur Ghana, qui est en train de devenir indépendante. Et la conférence ne proclame pas seulement le neutralisme, elle exprime aussi l'anticolonialisme, le refus du néocolonialisme, la volonté de sortir du sous-développement et la dénonciation, dans les faits, du racisme. Car le régime colonial, entre autres choses, était fondé sur ce mythe très très fort de l'inégalité des races et de la supériorité des peuples colonisateurs sur les peuples colonisés. Sur cette même conférence de Bandung, écoutons maintenant les commentaires d'Aimé Césaire. C'est en 1956, année d'ailleurs où il quitte le Parti communiste, que s'exprime le poète et homme politique martiniquais. Il le fait à l'occasion du premier congrès mondial des écrivains et artistes noirs qui se tient à Paris du 19 au 23 septembre 1956.